Une fille pleine de rêves, un bar à gogo, de la dance music. Cette semaine, on a maté Coyote Girl et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Coyote Girl de David McNally. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir. Julie. Bonsoir. Michael. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et Renan. Bonsoir. Ce soir, nous sommes tous réunis pour parler de Coyote Girl de David McNally, Coyote Ugly, version originale, sortie en 2000 avec Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman et Maria Bello. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Tu m'as toujours dit que plus tard, je pourrais faire tout ce qui me plairait. J'ai jamais dit auteur-compositeur à New York. Si vous avez un rêve... C'est une démo, je compose des chansons. Tenez, c'est gratuit. Je suis persuadé que sous votre douche, ça rend bien, mais les séances karaoké, c'est au bar d'à côté. Mais pas d'argent. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une place à prendre. Bienvenue chez les Coyote Girls. Je suis une coyote? 5 nuits par semaine. Voilà déjà $9 en attendant de trouver le reste. Pas de problème. Elle mène la danse. C'est Rachel, regarde et prends-en la graine. Faudra aussi que j'apprenne à couper les cravates. Elles font la loi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ce que n'importe quel homme normal aimerait. Voilà, voilà, je crois que j'ai jamais entendu autant de musique différente en aussi peu de temps. C'était une excess là. Ouais. En même temps, c'est le seul bon morceau. On l'a deux fois. On l'a deux fois, heureusement. Moi j'aimais bien la BO quand j'étais ado. Alors, parce que tu l'avais vu, ça veut dire. Oui, mais attends, on va en parler. Mince, c'était ton film culte, je suis sûr. Non. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Renan, tout en l'introduisant. Renan, il travaillait à Topito, il a fait un article sur nous il y a un petit moment, d'ailleurs. Un petit moment, effectivement. C'est un peu grâce à toi qu'on est devenus des stars, hein, on peut le dire. C'est vrai. Moi, je ne peux plus prendre le métro. Moi non plus, les gens reconnaissent ma voix. En fait, on cherchait, moi, c'est à cause des bactéries, mais on cherchait les meilleurs podcasts de l'univers, si je me souviens bien, et vous étiez de la galaxie. Ah bah, c'est très gentil. Voilà. Et j'ai fait un sondage très récemment, et apparemment, 39% de notre audience nous connaissent grâce à cet article. Pourquoi? Parce qu'on pèse, voilà, tout simplement. Et 39% de notre audience, c'est 70 personnes. Donc, ça pèse aussi. Donc, Renan, qu'as-tu pensé? Si on enlève Tata Lucette et puis toutes ses copines, on est nettement moins. D'accord. Bah attends, c'était notre première fan, Tata Lucette, quand même. Il est décédé, Michael, et voilà, j'aime mieux qu'on n'en parle plus. Qu'as-tu pensé de ce film, Renan? Alors, je vais aller assez vite. Je l'avais déjà vu il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans. Il date de 2000, ça, le film. Coupable. Hein. Je l'avais vu, j'avais dû le voir sur Canal+ à l'époque. Et, en le revoyant, je me disais que voilà, j'ai passé quoi, 1h40 devant. J'ai pas réussi à l'accélérer. Je l'ai regardé sur Popcorn, donc pas réussi à l'accélérer. Et je me suis dit, voilà, ce temps, j'aurais pu le passer avec ma famille. J'aurais pu travailler sur moi, faire du mandarin, des trucs comme ça. Et puis non, en fait, voilà. Donc j'ai l'impression d'avoir bien perdu mon temps, mais bon, c'est pour. Le plaisir d'être là. C'était le but, hein. Ouais. Tu sais qu'elle perd de temps souvent. Alors, moi, j'ai pas d'anecdote bibliothèque sur ce film. Par contre, j'ai une vraie anecdote véridique. Pour le coup, je l'ai regardé dans un contexte un peu particulier, puisque je reviens d'un long voyage, un peu comme Ulysse. Et pris par le temps, c'était très bien. C'est qui ça, Ulysse? Pris par le temps, j'étais obligé de regarder ce film dans l'avion. Donc, faut savoir que sur les longs courriers, dans les avions, on propose à peu près 150 films. Moi, j'ai sorti ma tablette spécialement pour regarder Coyote Girls. Le pire, c'est que pendant que je regardais Coyote Girls, j'étais obligé de prendre des notes. Donc, les gens avaient vraiment très peur. Je pense qu'ils devaient me prendre pour un déviant sexuel. Ils éloignaient les enfants. Les gens éloignaient les enfants. Ils voulaient pas être à côté de moi. Donc, voilà, c'était un grand moment de solitude, en tout cas. Julie. Surtout que je l'ai vu en 3 fois parce que la première demi-heure je l'ai regardé dans l'avion, donc évidemment ensuite ils ont servi le repas, c'était du poulet au curry que j'ai pris. Est-ce qu'on a demandé tous ces détails là? Attends, Julie, attends avant de prendre la parole. Alors, et tu as eu les, on avait eu le choix. Petit dessert, c'était au fromage. Allez, c'était l'imatal français. C'était l'imatal français. Julie. Et après on a eu le petit dessert. Je l'avais déjà vu adolescente et je dois avouer que c'était un film qui m'avait bien plu adolescente. Et j'aimais beaucoup la musique et alors là, bah du coup, j'ai vu du coup là, ça, du coup là, c'est pas aussi bien passé. Et je me suis rendu compte que je devais être bien conne à l'adolescence pour avoir aimé ce film. Oh, un petit peu. Allez, un arrête. Petit peu. Mais non, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça un peu niais. Ça m'a pas. Allez, viens dans mes bras. Voilà. Non, franchement, j'ai pas passé le pire moment de 2 heures de perdu de l'histoire de 2 heures de perdu, mais bon, c'était pas aussi bien que dans mon souvenir. Déception. Ah ouais. Greg, moi j'adore les films de teenager, hein, c'est vraiment ma passion. j'avais bien aimé tous les scary movies, ça j'adore. Ouais. J'ai beaucoup aimé Twilight aussi. Twilight, ça j'aime bien. Et donc celui-là, c'était un peu, franchement, j'ai trouvé ça bien. Ouais, ouais c'est bien. Ouais. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ouais. Non, parce que franchement, il y a plein de teenage movies. Les deux que t'as cités, c'est presque pas des teenage movies. Ah bon, bah, il y avait quoi d'autre alors? J'aime movies, bien toi, le grand blond avec une chaussure noire. Non, ouais, tout c'était, ça, quoi. C'était pas terrible. Ouais, non, c'était pas terrible. Et toi, Antoine? Qu'est-ce que tu Bah, c'est la seule personne qui me demande. Tiens, relance, c'est naturel et tout. C'était vraiment, c'était beau. Parce que c'est moi qui vais présenter 2 heures de perdu bientôt. Bah oui, parce qu'Antoine part vivre au Maroc, il va à la retraite là-bas. Je vais me faire amputer de la jambe. C'est une opération qui dure 6 semaines. Alors, moi, je l'ai vu au travail, puisque j'avais du temps à perdre. C'était un week-end de pont. Je l'ai vu sur un écran d'ordinateur en streaming, en très mauvaise qualité. Je pouvais pas mettre en accéléré. C'est le principal problème du streaming. Ouais, c'était infernal. Putain, c'est moi, je l'avais jamais vu. Il y a peut-être 2 chansons que j'aime dans le film. Tout le reste, c'est inaudible. Ouais, c'est et bien. Putain, mais en plus, tu le vois trop venir le up, le super down et le up. Mais ça fait, ça fait souvent. Globalement, ça fait tout le temps ça. Mais là, c'est juste qu'il est trop vénère, quoi. C'est... Non, mais ça fait. Tu peux faire un petit graphique. Ça fait up. Down un tout petit peu, up un tout petit peu, down un tout petit peu, down, oui, down, c'est down, le down, des films, up, en fait, up, up, up, hein, c'est... Ouais, oui, mais enfin, on peut trouver un truc de plus. Là, le down est très tard, je trouve. Enfin, moi, j'attendais le down. Et il est super down. Très, hein. Très, très. Putain, ouais. Et c'est down, et ça s'arrêtait pas. Hein. J'ai fait, ah, s'il vous plaît, on arrête de lui charger la mule, à la pauvre fille. Qui résume l'histoire? Ben... Tu veux le faire, Renaud? On va essayer. on parle donc de Violette. Violette qui a 21 ans, qui veut réussir dans la musique. Elle est compositrice. Elle est jolie aussi, on peut elle le dire. Elle est très jolie. C'est la fille de John Goodman qui, lui, habite... Donc c'est quoi, moins jolie, hein, John Goodman. 80 km de New York, donc elle décide de monter à la capitale. Dans le New Jersey. Dans le New Jersey. Exactement, de quitter son boulot dans un resto ou dans un bar pourri. Pizzeria. Pizzeria. Pour aller dans un bar pourri. Pour aller à New York. À New York. Pour donc distribuer des cassettes de ses œuvres à des potentiels chanteurs et chanteuses pour revendre ses morceaux. On peut dire que c'est une dingue de la cassette. Hein, ouais. Elle en envoie. Passion cassette, exactement. Ouais. Et donc ça se passe pas terrible, c'est-à-dire qu'elle a accueilli un petit peu comme une merde, on peut le dire. Comme elle le mérite en même temps, parce qu'elle fait quand même des chansons de merde. Et puis bon, c'est une paysanne, hein, donc en plus, c'est la capitale. Et elle se fait cambrioler, lui arrive plein de galères, et rencontre un jeune garçon qui se fout un petit peu de sa gueule au début, mais finalement qui est sympathique. Ouais. Et elle va à un moment avoir besoin de thunes pour survivre et décider d'accepter un boulot dans un bar qui s'appelle Coyote Ugly, ouais. Qui embauche donc des serveuses. Et d'ailleurs, entre guillemets. Hein. J'ai une question parce que Coyote Ugly, c'est le titre original et le titre québécois, c'est Coyote Moche. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est Coyote Ugly aussi. C'est Coyote Ugly. Ouais. En fait, ça fait partie de ces films de la belle tradition française de traduire en anglais des films en anglais comme The Hangover qui devient Very Bad Trip ou d'autres trucs comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi ça s'appelle Coyote Ugly? Personne ne sait. C'est pas un vrai bar, non? Il y a une explication aussi un vrai bar, dans le film. Il y a une explication dans le film, mais elle est vraiment toute nulle, donc je pense que c'est pas la vraie explication. Et moi, je veux pas raconter quoi, ça. C'est quoi l'explication du film? Vas-y. C'est juste, ça veut dire quoi que Tugly, quand t'es une meuf et que tu ramènes un mec un soir et que t'es super débranle, et bah, le lendemain matin. C'est bien ça. Tu vois un mec qui pue de la gueule, et bah c'est que Tugly. Bah, ouais. Du coup, pourquoi c'est le nom du bar? Enfin, il y a aucun dommage à ça. C'est une blague. C'est... Voilà. Bah. Tu prends des ventes, ouais, bah ça va, c'est une blague. Donc, il y en a plusieurs par contre dans le monde, des bars Coyote Ugly. Voilà, c'est tout. Ouais. Et le premier a ouvert en 93 à New York. Il n'y en a pas à Dijon. Hein. Je crève d'envie de les visiter. Le film s'ouvre sur cette petite serveuse du New Jersey qui part vivre à New York la grande aventure. Mm-hmm. Ça m'a rappelé toi un peu, Antoine, quand tu es venu à Paris. C'est vrai. Oui, ça m'a ému, hein, tu sais. C'est vrai que je chantais dans le métro avec mon accordéon. Et alors, déjà, un premier truc moi qui me fait marrer, c'est que ses copines, elles lui font sa fête de départ. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez du début du film. Si, ouais. C'est une grosse soirée de déglingo. Tu te dis si à chaque fois que quelqu'un de ce village pourri part, ils font la fête comme ça, mais c'est toujours déglingo. Alors déjà, c'est vraiment c'est la grosse fête, mais surtout, c'est un bar avec une scène, mais tu vois, les gens, ils sont tranquilles en train de boire un verre, et il y a une meuf qui fait ouais, yeah! Bon, le micro, méga Larsen, tout le monde s'arrête, tout le monde l'écoute. Donc il y a Sophie qui part vivre à New York, tu sais, bah, déjà, on la connaît pas, donc on s'en fout. Et là, elles se mettent à faire un karaoké. Et genre tout le bar s'arrête pour les regarder, tu sais, mais en vrai, ça te fait trop chier, tu sais, toi t'es en train de boire un verre, t'en as rien à foutre des gonasses qui viennent chanter en plein milieu. C'est la méga intrusion dans ta vie, quoi. Oui. Papa, il est pas content. Non, papa, il a peur. Non. Mais papa, en même temps, il a raison d'avoir peur. Je veux dire, sa petite fille est part à New York, on sait jamais, elle pourrait devenir gogo danseuse. Enfin, tu sais pas ce qui peut arriver, quoi, tu vois. Il a raison de s'inquiéter, c'est sa petite fille quand même. Ah, oui. Alors que là, elle travaille dans un petit bar tranquillou. Donc, il est pas content. Pizzeria. Ouais. Ah, c'est une pizzeria. Ouais, c'est une pizzeria. Ouais. Elle m'a été très très vite, celui-là. Elle dit qu'elle. Tu l'as maté à combien, Greg, en vitesse? Bah. Comme d'hab, quoi. D'accord, fois 8. 1,4. Ouais. Et donc, finalement, elle décide quand même de partir. Elle fait un hug avec sa copine moche. Hein. Ouais. Comme bah, déjà, il faut savoir que en fait, c'est elle qui s'occupe de tout à la maison. En fait, c'est pas sa fille, c'est sa mère, son père, finalement, presque. Parce que John Goodman, c'est un bon à rien, on est d'accord. Ah, oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ça, tu peux dire. Non, mais il a, pas peur des mots. Il a perdu sa femme, il est triste. Bah, c'est surtout du poids qui ferait bien de perdre. Alors, on arrive dans New York. New York, j'aime autant vous dire que c'est très hostile. C'est la jungle. Bah on arrive déjà à Chinatown, il y a du poisson pourri par terre, les gens sont globalement mal polis. On arrive dans un appart, c'est vraiment l'appart de l'enfer. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle arrive. Bah, c'est un meublé en même temps. En fait, ça ressemble à Rennes. Ça, je vous le dis, hein, ça ressemble à la rue de la soif à Rennes. Il y a des apparts comme ça. Il y a du poisson par terre. Il y a des punks à chiens en bas. Non, mais c'était ça. Moi, je connais la rue de la soif et effectivement, c'est à l'air de. Mais je crois qu'ils ont tourné là-bas. Hein. Ils ont tourné. Donc elle a quand même de la chance, c'est qu'elle trouve un truc visiblement pas cher parce qu'elle arrive de la campagne et elle s'installe en plein centre de New York au Chinatown. Oui. En réalité, moi je pense que si tu vas à Chinatown aujourd'hui, tu trouves pas un truc aussi grand. Et ouais. Si tu Miguel, si tu veux nous boulot, en parler quoi, peut-être parce qu'il me semble que ton long voyage. C'est très. Ah oui, c'était aux Amériques. Ah, en effet, c'était aux Amériques. À New York, USA. Pour préparer l'émission, j'ai regardé un petit peu les prix de l'immobilier en 2000. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même plus intéressant. C'était peut-être le moment surtout pour investir. Chinatown, et moi, surtout ouais. À l'époque où il n'y a pas internet, c'est très facile pour une meuf du New Jersey d'arriver à New York et hop, j'ai trouvé, tu vois, sans même me faire chier quoi. C'est limite, j'ai appelé un coup de fil, je vais prendre l'appart, et ben ça marche. Sa copine, elle va pleurer, elles vont se faire un joli hug. Et là, il y a un plan parce qu'on comprend du coup qu'elle fait de la musique à ce moment-là. Elle s'installe son petit piano. Ouais, parce que Yamaha. Elle a quand même tout ramené. C'est-à-dire qu'elle a ramené deux guitares, un méga synthé, plus toutes ses fringues et sa copine en plus. Donc c'est quand même chargé. Heureusement qu'elle joue pas de la harpe et de la contrebasse parce que ça va être compliqué de les transporter. Alors, je fais un petit point maintenant parce que j'y pense maintenant et j'ai peur d'oublier, mais. À un moment dans le film, elle va se faire cambrioler, mais le mec il va lui lâcher tous ses pianos et toutes ses guitares. Quoi. Il vient juste renverser l'intégralité du frigo. Par contre, il pense à fouiller le congèle, effectivement. Des fois qu'il y a un sorbet citron, tu sais. Ah, les cambrioleurs ne prennent que du cash. Ah non, s'il faut revendre, non, j'ai pas pris les diamants. <C'est compliqué. rire> Et là, elle va essayer son piano, et au moment où elle va appuyer sur une touche du piano, il y a ses voisins qui vont être en tapage, mais alors c'est du turbo tapage. Ouais, c'est turbo tapage, et ce qui est bizarre, c'est que sa voisine n'a pas l'accent chinois non plus. Quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont en plein Chinatown, il n'y a pas du tout d'accent chinois. À croire qu'il n'y a que des gens du New Jersey qui habitent dans le Chinatown. Quoi. C'est quand même bizarre. Et du coup, pour pallier à ça, elle s'est dit mince, je ne peux pas jouer dans mon petit appart, c'est vraiment trop triste parce qu'il faut vraiment que je progresse en musique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur le toit, comme si c'était facile d'aller sur un toit. Du coup, au lieu d'emmerder un voisin, elle emmerde tout le quartier. Quoi, du coup. Et surtout, il est pratique le toit parce que visiblement tu peux monter avec ton piano de 9 kilos. Il y a les prises électriques, tu peux et tout, le brancher, tout, ouais. Tout ce qu'il faut. Et surtout, moi je te garantis qu'un piano Yamaha comme ça, tu mets le son à fond en plein air, t'entends rien. Il y a un petit bar aussi, tu peux te servir et tu règles tes consos à la fin. Et du coup, elle va y aller tout le long du film. Ça sera un petit peu son petit jardin, enfin son petit endroit où son jardin secret. Je pense qu'on peut parler de jardin secret. Ouais. Mmh. Bon, voilà. Oui. Voilà. Alors, c'est le tout début du film et on a déjà le droit à un montage. Vous savez, il y a beaucoup de montages. Ouais, là, il y en a beaucoup. Ouais. Et là, c'est le premier montage, c'est le montage refoule des maisons de disques. Où là, elle va effectivement enchaîner les maisons de disques. Et alors, les New Yorkais, excuse-moi, mais c'est vraiment des snobinards. Hein. Mais moi, je trouve ça pas mal parce que tu vois, ce petit montage, ça illustre bien, tu vois, la multiplication des refus. Et on comprend vachement bien. Je trouve que c'est un très bon procédé. Non, mais il y a un vrai clivage quand même. Les gens du New Jersey, franchement, ils ont l'air sympathiques. Ouais. Et à New York, ils sont vraiment pas sympathiques. Non, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que les gens qui sont pas sympas à New York, c'est les anciens gens du New Jersey qui sont là depuis 10 ans, quoi. En fait, et qui sont restés réceptionnistes avec une oreillette et complètement. Est-ce qu'éventuellement il se passerait le même phénomène à Paris? Ah bah peut-être, peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, elle se fait bien remballer. Elle se fait remballer de partout. Bah, en même temps, voilà, t'es pas peut-être arrivé avec ta petite cassette là à New York. Enfin, je sais pas, vous avez déjà essayé? Bah, c'est ce que j'ai fait moi, pas mon voyage. J'ai fait une cassette. Ça a pas marché non plus, t'as fait un bah, bon... Oh bah, ils sont pas sympas. Qu'est-ce qu'ils sont, snob? T'as pensé à des snobinards, les New Yorkais? Bah oui. Oh bah oui, oui, oui. Puis ils comprennent pas le français. T'as pensé à faire un montage ou pas, non? Et du coup, après, elle se retrouve dans un bar où il y a The Calling qui est en train de chanter Wherever You Will Go, qui m'a vraiment rappelé mon adolescence, ça je vous le dis aussi. Ah bah ça, moi, ça me l'a pas rappelé. Moi, moi j'ai avec un barman aux cheveux fluo. Alors, et alors, c'est marrant parce qu'elle s'installe au bar, elle demande, le gars il fait, tu veux boire quelque chose? Moi je l'ai regardé en VF. Hein. Il y a, alors, qui l'a vu en VF? Moi. Alors moi j'ai commencé en VF et j'ai dû passer en VO pour des raisons techniques. Mais effectivement, ce passage-là, si, alors c'est un moment où elle va chanter ou essayer de chanter, c'est ça, je ne me trompe pas? Non, c'est juste après ça. Ok, pardon, je vais continuer. Mais ça, en fait, elle est installée au bar et fait, tu veux quelque chose? Elle fait, ah, un Pepsi et des biscuits salés. Des biscuits salés, ouais, c'est très drôle. Ça s'appelle des chips. Je crois que je l'ai vu en québécois. Moi. T'as, t'avais le québécois? Non, non, non, non, c'est la VF et il y a énormément de conneries de traduction. Il y a des expressions Mettez-moi un soda, une friandise. Il y a énormément de marques aussi qui sont citées. Ouais, ouais, ouais. Et souvent de la merde, KFC. Non, c'est vrai, c'est souvent des trucs dégueulasses. Bah ça c'est au plaisir de chacun hein. Moi j'adore les manchons de poulet. Les manchons de poulet. Mais il y a plein de, tu vois, pareil plus tard dans le film ils font je voudrais une russe nègre, enfin tu vois, au lieu de dire un russe blanc ou je sais plus ce qu'il dit. Ah bon, c'est comme ça qu'on dit en c'est bizarre, t'es sûr que t'as regardé Coyote Girl? Non, mais ils disent n'importe quoi, mais j'ai entendu des traductions, mais vraiment, limite, la barman, elle fait... Mais attendez, sûr, mais c'est complètement loufoque. Non, là, c'était en VF. Ah, ils traduisent les cocktails en... Ah ouais, ils ont traduit les cocktails, mais c'était... Je voudrais un sexe sur la plage. un tequila couché de soleil, s'il te plaît. Bon, et alors du coup, là, elle va rencontrer Monsieur O'Donnell, qu'elle croit être producteur. Puisque le barman lui a dit, tu vois le monsieur là-bas qui discute avec les nanas, ouais, c'est le patron du bar, il est producteur, va le voir. Et en fait, elle va le voir et finalement, c'est juste le cuisinier. Ah, c'est pas que le cuisinier, parce que ok, il est cuisinier, mais c'est aussi un prince charmant quand même, parce que ça va aller très très vite entre eux. J'ai l'impression que t'es un peu tombé amoureux. T'as pas un peu flashé sur ce mec? En 20 minutes de film, ils vont faire la chose. Je veux pas vous spoiler. 20 minutes, mais... c'était parce que t'es un fois 4. Attends, hein, attends, mais non, mais on va pas dire qu'ils ont baisé quand même. Non, non. Elle me regarde dans les yeux en plus. Elle me regarde dans les yeux, elle sait. Elle sait. Non, mais elle est frappée du ciboulot. Tu vas t'en prendre un coup de canne. Tu commences pas avec tes baisers. Ok. Ils vont faire la chose, effectivement. Alors, au bout de 20 minutes, ça, c'est parce que tu l'as regardé en accéléré. Au bout de 40 minutes... Surtout, tu tiens un chrono, quoi. C'est ça qui est dingue, en fait. Je regarde toujours la timeline pour savoir à quel moment ça va arriver. Ça va finir, en fait. À quel moment ça va finir. Aussi, ouais. Et du coup, elle va vouloir faire un essai dans un bar pour tester son style, sa musique, finalement. Attends, d'abord, sur le mec, moi, je voudrais faire cette blague. J'ai mis, le mec se fait griller, c'est le comble vu qu'il grille des steaks. Voilà, c'est, ouais, c'est marrant. C'est pas mal, t'as bien fait de la lire. Voilà. Oh, tu l'as vexé. C'était ma blague. Et alors, effectivement, elle arrive. Non, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, elle va voir le producteur à ce moment-là, parce qu'on parle encore du mec. Elle va voir le producteur en pensant qu'il est directeur du bar, alors que c'est juste un cuistot. Et que le mec s'appelle Kevin, si je me trompe pas. Hein. Le mec s'appelle Kevin. C'est un indice quand même. Moi, <c'est vrai. rire> on peut pas diriger une entreprise et s'appeler Kevin. Il faut être sérieux. Et en fait, le mec, ce qui est marrant, c'est que la meuf, pourtant, il en a rien à branler au final. Quoi. Mais il joue le jeu, il veut pas perdre la face et il dit à son boss qui sort pour lui dire t'as oublié ton tablier, lui dire oh, reste où t'es, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te virer. C'est hyper dangereux de faire ça à son patron. Quoi. Mais c'est pas son patron, c'est l'autre cuistot. Non, c'est son patron. Qu'est-ce qui fait griller des steaks, le patron, alors? Bah écoute, c'est un patron qui met la main à la pâte. Il met la main à la pâte. C'est pas un Kevin, hein, déjà, j'ai autant te dire, le patron. Hein. C'est un Bud. Avec un prénom de bonhomme, voilà. Mais j'aime bien l'image de. Ah, il est producteur, elle s'appelle comment? Kevin. Ah bon. Et du coup, elle va faire le grand saut, puisqu'elle a l'opportunité de jouer dans un bar. Ouais. C'est ce que tu disais là, elle a décroché l'opportunité. Et elle va se lancer, elle va aller sur scène avec sa guitare. Et alors, ça va mal se passer alors. J'étais pressé d'arriver à ce point-là parce que là, on a. Là, à ce moment-là, j'étais encore en VF. Là, on a un public qui est hostile. Un public qui est hostile, ça dit demi-portion. C'est un peu l'insulte. Tu perds tes moyens après ça. Demi-portion. Ah bah là, la meuf, elle est obligée de monter en tour. Bah, elle monte en tour. Ouais, non, je comprends qu'elle soit déprimée, quoi, pour le coup. C'était parce qu'elle n'avait pas de couronne, quoi. C'était vraiment l'image des deux mecs bourrés. Mais en plus, ils sont ridicules. Ils sont assis, ils font. Alors, tu vas chanter demi-portion. Mais tu sais, genre, la meuf, du coup, elle fond comme une merde. Et les deux mecs, ils s'arrêtent pas. Les salauds. Parce que ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'elle a un gros problème. C'est qu'elle a un problème track, de mental. Ouais. Elle a le track. Et tout le long du film, elle va avoir le track. Et apparemment, sa mère était. Je vous raconte un peu sa petite vie personnelle. Sa mère était artiste aussi. Elle avait le qui track. Raconte aussi. La backstory. Et c'est pour ça, qu'en fait, sa mère n'a pas pu faire carrière. Et du coup, en fait, elle suit un peu les traces de sa mère. C'est triste. Et nous, on a envie qu'elle y arrive quand même. Hein, Julie ? Oui, un peu. Bon, finalement, elle rentre chez elle et alors là, elle a subi un cambriolage 2000. Les mecs ont. Alors, l'appart, il y a peut-être franchement en valeur cumulée des meubles, il y a 12$. Ouais, les mecs, ils ont tout cassé, ils ont vidé le frigo, ils ont enlevé tous les joints, hein, tu sais, pour voler même pas le piano. Donc, franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais ouais, mais Chinatown, c'est vrai que. Bon, bah, c'est vrai que c'est pas mal cambriolé. Hein. Mais du coup, il y a l'intégralité de son frigo par terre. Elle va s'allonger à côté des condiments en train de se réchauffer. Tout en pleurant d'ailleurs. Et elle va aller au dîner. Et là, au dîner, elle va faire la rencontre de trois filles très étranges. Ok, suivi. Et je remets 10 sur maman. J'ai raté le petit jeu. Et je dis, il faut sauver le soldat Ryan. Et je mets le paquet pour voir. Quoi ? Allez, on va pas attendre le dégel. Jennifer, qui nous vient d'Austin, nous confie que son film préféré est. Oh non. Non. Non, tu l'avais déjà lu. T'es qu'une sale tricheuse. Réveillez-vous, une nana toute nue en bottes militaires. Faut pas être sorcière. Thank you. J'aime bien ces bottes, moi. Je vais m'en acheter une paire. Waouh. Romero, fais chauffer le volume, chérie, c'est de la bonne. Vas-y, grimpe. Yo, c'est chaud. Tu nous fais. Vous vous rappelez pas de ça, les filles? Tu veux pas recommencer? Allez, arrête. Vous voulez pas que je vous fasse ma danse du ventre? C'est ça, c'est nous, Esmeralda. Dis donc, tu les connais? Elle? Oui, elles viennent tous les matins à la même heure pour décompresser. On s'en refait un petit tour? C'est pas un luxe avec le travail qu'elles font. Ce sont des racoleuses? Non. Tiens. Ce sont des coyotes. Donc voilà, est-ce en gros. Ce sont des racoleuses. Non, moi, j'attendais. Tu les connais, bah ouais, carré, tous les matins, elles viennent faire leur pute dans mon butin. Mais c'est ça. Mais alors là, il faut faire quand même un. Il faut vraiment m'expliquer. Déjà, il faut expliquer la scène, parce que les gens ont eu le son. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Bah, c'est des copines qui sont en train de parler. Alors, il faut expliquer le contexte. Il y a un contexte social quand même. Hein, il faut pas tirer un trait là-dessus. Il y a un contexte social. Elle n'a plus le sou. Elle peut plus s'acheter une tarte. Ouais. Donc en fait, elle voit trois nanas à côté qui font des paris sur des trucs stupides et qui mettent des billets énormes. Et du coup, elle se dit. Putain, mais comment ils font pour être aussi riches? Ok, moi je vais l'expliquer autrement. Là, il y a trois nanas qui sont habillées en rose, en barésie rose, en dentelle, en tout ce que tu veux, avec des coupes très aguichantes. Et là encore, j'ai fait des recherches, c'était pas du tout à la mode à l'époque, hein, j'ai vérifié. Elle montre des gros paquets de bifetons, genre, regarde, vu tout ce qu'on s'est fait comme pognon. Et là, elle est en admiration, genre, waouh! Attends, trop bien! Avant même ça, t'as la blague qui est debout et qui fait, c'est quoi la chanson? Allez, monte le son! Romero, je fais ma pute au milieu du dîner à 6h du mat. Et là, la meuf, elle commence à danser en mode Bob, je me frotte aux chaises et tout. Mais et là, les héroïnes du film, elles font oh, mais c'est qui ces trois nanas pleines d'assurance? Moi, je vais vous raconter cette scène autrement. Cette scène, c'est l'histoire d'une jeune fille. Toi aussi, il faudra que tu racontes ta version. Seule dans New York, qui s'aperçoit qu'il y a trois nanas qui ont l'air très complices, qui en plus parient sur des films, et moi j'ai trouvé ça très drôle. Enfin, tu vas voir les nanas au Bois de Boulogne, elles sont complices aussi. Hein, tu vois. De toute façon, elles n'ont pas le choix, elles dorment dans le même camion. Charmant. Donc du coup, c'est aussi de ça qu'elle est jalouse, elle voudrait avoir des copines, non? Ouais, bah quitte à choisir, tu vois, je préfère avec Tata Micheline qu'avec ces trois-là, quoi. Je trouve cool. Et alors, moi, ma théorie, c'est juste qu'elle est, elle est en manque d'assurance, elle a été jetée à cause de ça. Et là, elle voit trois nanas pleines d'assurance. À mon avis, c'est plutôt plus que le fric, plus que les copines, c'est plus l'assurance. Par contre, À ce moment-là, je me demande, mais quand se passe le film? Parce que là, on écoute du Snap, 1990, ça commence à faire hyper vieux, et là, tout le monde est en transe sur du Snap. Moi, j'avais l'impression que le film était un film presque historique sur 10 ans avant. Quoi. J'étais surpris qu'en 2000, ce soit ça. Ouais, j'ai cru que c'était Taxi Driver, en fait, sur le coup. Mais moi, c'est un peu ce que je reproche au film, c'est le côté, tu vois, ah, elles sont pleines d'assurance et tout, parce qu'on entend girl power, tu sais, genre le girl power à mort et tout. Il faut arrêter, c'est des putes, enfin, tu vois, c'est... Non, c'est des racoleuses. Non, mais bon, les... Non, mais en fait, non, mais ça, c'est, tu vois, on t'envoie l'image que... de « Ouais, regarde, elles sont fortes et elles n'en ont rien à foutre de leur image et tout », mais c'est juste, les nanas, c'est des gogos, quoi, tu vois, elles font carton. Sauf qu'on te place bien aussi que c'est des gogos qui font ça pour payer leurs études de droit, par exemple. Bah oui, non, mais ça va, alors. C'est malin. D'ailleurs, petite update, elle est devenue, effectivement, elle a eu son barreau. Elle est aujourd'hui avocate à la City. Non, mais... Elle a défendu Desk récemment, je vois. Non, mais là on peut. J'ai pas compris, elle a le barreau. Oh, ça y est, elle recommence. Non, mais on peut faire le petit débat sur le film. Pas quand il y a les invités. Non, mais c'est pas le débat sur le film, c'est un débat qui va plus mais loin si, que le parce film. C'est ça le problème du film. Sous prétexte que t'es une fille et que tu te sers de tes attributs pour te faire de l'argent, je suis désolée, elle couche pas avec les mecs non plus. Enfin, c'est pas. Enfin. Non, mais ça d'accord, mais tu peux pas appeler ça de la prostitution. Mais j'ai jamais dit ça. Déjà, premièrement, tu vas arrêter ce débat, Antoine. Parce que personne ne paiera pour ça. Allez, on continue. Du coup, elle décide d'aller voir la patronne du Coyote Ugly parce que le secret de ces femmes, c'est qu'elles travaillent toutes dans le même bar. Le Coyote Ugly, qui est un bar à gogo. Alors, pas vraiment, en fait. C'est un bar de merde avec un comptoir où les meufs dansent sur le comptoir. Vous allez voir, il y a un peu d'autres trucs. Il y a du crachat de feu, des renverses de carafe d'eau. Des glaçons. On va pas raconter la scène parce qu'il faut qu'on avance, mais en gros, elle va voir la patronne. La patronne, elle dit non, mais toi, ma petite minette, t'as pas assez d'assurance. Et elle va faire ah non, mais c'est bon, j'en ai trop marre et tout ça. Et hop, elle va se faire embaucher parce que du coup, tu vois. Très drôle, elle lui dit tu t'appelles Violette, donc finalement, elle s'appelle et elle la renomme Jersey, comme New Jersey. Et moi, je me suis dit que si j'avais fait ça, on m'aurait appelé PACA, comme la région PACA. T'as quelque chose à dire, Côte d'Or? Non, mais là, il y a quand même un problème chez la fille, c'est qu'elle est en méga admiration de toutes ces nanas, de toutes ces gogos, quoi, tu vois. Et après, on veut te faire croire que c'est normal d'avoir de l'admiration sur une étudiante en droit. Bon, moi, je comprends plus, en fait. Je trouve ça pas du tout logique, quoi. Alors, quand on arrive, le Coyote Ugly, c'est un bar vraiment où l'alcool coule à flot. Et il coule à flot sur le bar. C'est-à-dire que là, ouais, vraiment, ils en renversent la moitié partout. À côté, les meufs, elles dansent rentable. En talons sur un bar en zinc. Elles ne font que renverser des trucs dessus. Et après ça, elles font décorer sur un bar en zinc. Non, mais il n'y a rien. Et pendant ce temps-là, elles ne servent pas beaucoup de verre. Hein, ouais, c'est ça. C'est le bar le moins rentable de New York, hein, je pense, par contre. Hein. Alors, c'est toujours blindé. Elles aspergent les mecs de flotte, ils sont contents. Elles coupent les mèches de cheveux, elles coupent les cravates, ils sont alors, contents. D'ailleurs, juste un petit point hygiène. Hein. Donc, elle utilise déjà une paire de ciseaux qu'elle sort du bar. Donc, c'est probablement la paire de ciseaux qui sert à couper l'amande pour les mojitos. Donc, c'est dégueulasse parce qu'elle coupe les cheveux les clients avec. Et à un moment, il y a un mec qui fait « Ouais, je voudrais un verre d'eau. » Et là, elle fait « Ici, on boit pas de l'eau dans le bar. » Alors, elle prend le mégaphone « Ouais, ce mec-là, il voulait prendre de l'eau. » Et d'un seul coup, elles aspergent tout le monde d'eau. Comme ça, non mais tu sais, les mecs ils sont trop contents de se faire mouiller, mais en vrai c'est trop chiant. Et bah, après attends, ça, déjà, moi, elles font un, de la country boy, tu sais, cowboy sur le bar. Quoi. Moi déjà, un bar où on me fout de l'eau sur la gueule, je suis obligé d'attendre 10 ans parce que les serveurs dansent sur le bar. Moi je me casse quoi. En plus, il doit y avoir une queue aux chiottes. C'est vrai, c'est un endroit, on connaît. Non mais c'est marrant parce que ce bar il existe pas du tout en fait, ce serait plus cool, tu vois, s'il existait. Non, attends. En fait, mais c'est ça inspiré, se passe jamais comme ça. Figure-toi que c'est inspiré d'un bar PMU en Poitou-Charentes. Le bateau. Il y a Gino et Josette qui servent des verres et de temps en temps ils se mettent à danser sur le bar. C'est inspiré directement. Non, ça non, marche mais moins. Il existe vraiment ce bar. Bon, oui, mais... c'est un gros bar de beauf, on peut le dire. Oui. C'est-à-dire que ça siffle avec les doigts, ça crie, ça boit des shots, c'est ça. Oui. Et puis ils sont juste super nombreux dans ce bar, quoi. Enfin, genre, c'est pas ah oui, alors ça, conditions de sécurité. On peut pas s'asseoir, il y a pas de zéro. Vous savez à quel point je suis à cheval là-dessus, pas du tout respecté, conditions de sécurité. Non, il y a même pas. Ouais. Non. Alors, malheureusement, c'est le moment où quelqu'un a commandé de l'eau. Alors ça doit être très chiant parce que du coup, tu as trop peur qu'un mec commande de l'eau parce que dès que le gars commande de l'eau, faut asperger tout le monde d'eau et faut danser la country sur le bar. Et pendant ce temps-là, c'est le chiffre à zéro hein, parce que tu sers plus de bière. Le chiffre s'arrête. Enfin, du coup, voilà, t'es obligé de faire ta session country. Ouais, mais l'eau, c'est pour les blaireaux. Et là, elle veut pas le faire, Violette. puisqu'elle sait pas danser à country ou je sais pas, elle a pas envie de le faire. C'est le Madison Country, je crois, qui danse d'ailleurs en plus. Alors, pardon, est-ce qu'on a évoqué cette petite micro-scène où elle lui déchire son t-shirt? Ah oui, ah ouais, moi j'ai noté qu'elle avait un t-shirt USA. Je me disais, mais est-ce que dans un bar de poivrons comme ça, il y aurait une fille en France avec un t-shirt République française? J'adorerais voir ça en fait. Et surtout, c'était un t-shirt prédécoupé parce qu'elle lui déchire et ça fait pile le tour du ventre. Parce que moi je fais ça, la meuf elle se retrouve avec les seins à l'air. Quoi. Et tu te fais arrêter direct. Mais c'est surtout que moi je serais hyper contrarié qu'on me défonce mes t-shirts comme ça si j'arrivais pour bosser dans un bar. Bah c'est comme ça le coyote. C'est un bar à gogo. Attends, girl power, attends. Je sais pas une coyote toi. Non, vous êtes, tout le monde est d'accord pour dire ça, je pense. Bon, et du coup, Violette elle va se barrer, elle prend pas le poste, mais en partant, il y a deux mecs qui s'embrouillent vite fait, et là elle va les arrêter en leur proposant 10$. Ah ouais. Mais déjà, je me suis dit, putain, mais les mecs en écrivant le scénar, ils se sont pas dit, bon, on pourrait trouver un truc mieux, genre elle les calme et puis basta quoi. Et là, elle fait, arrêtez de vous battre, tiens, tenez, voilà 10$, allez vous commander des bières. Et là, les mecs, ils étaient vraiment en train de s'embrouiller, ils font 10$? Oh bah vas-y, ouais. Viens, arrête de s'embrouiller. Du coup, et la patronne, elle voit ça et elle fait, t'as vraiment du cran, petite, t'es embauchée. C'est brillant. Bah ouais, putain, il faut noter que pour qu'elle empêche les bastons, faut lui donner un paquet de monnaie dans la poche. Parce que... Il faut savoir qu'elle rentre dans le bar au début pour sa première journée en fait, donc elle connaît personne puisque c'est sa première journée. Le videur la laisse rentrer alors qu'on sait très bien, moi qui reviens de New York pour le coup, qu'à peine tu rentres dans un bar, on te demande ta carte d'identité même si t'as l'air d'avoir 65 ans alors qu'elle en a 16 et que du coup elle rentre toute seule. Oui quoi. Et puis en plus elle lui fait une petite excuse. Non mais je viens travailler. Ah bon d'accord, bon, c'est ça. Non, mais ça c'est genre quand tu te fais refouler de boîte, tu fais non mais en fait je viens bosser au bar. Ah bon d'accord, vas-y. Ouais. C'est une bonne technique qui marche à chaque fois. Moi j'ai l'impression que tu vas nous placer à chaque fois que tu reviens de New York, j'ai l'impression. Oui, moi personnellement je reviens de New York. Bon. Alors, comme elle va travailler au Coyote Ugly, malheureusement, il lui faut la tenue un t-shirt déchiré, ça ne suffit pas. Oui. C'est le moment de Pretty Woman. Ouais, Pretty Woman, exactement. Le petit essayage. Alors, Pretty Woman, version un peu... un peu gogo. un peu gogo, quoi. Version bottine rose à talons en cuir, filet de pêche la à la place d'un t-shirt. La boss lui... Les caches-tétons, enfin, il y a tout qui passe. La boss lui dit, non, mais il y a ma conseillère de mode. Il y a ma conseillère de mode qui va venir avec toi. La meuf, elle arrive, t'as l'impression que c'est Loana, quoi, tu sais. C'est elle qui va me saper, mince. Et donc, elle part avec Loana, et Pretty Woman, elle essaye toutes les pires tenues de déguisement. Intégral cuir et tout. Ouais. Toi qui es à New York, t'as essayé des fringues là-bas. Bah, j'ai ramené des caches-tétons, justement. Là, j'ai noté ça parce que du coup, maintenant, c'est la deuxième soirée au Coyote où là, du coup, maintenant, elle est resapée, donc ça va mieux pour la confiance. Il y a un mec qui alpague une meuf. Et là, les nanas, elles lui mettent un seau de glace dans la gueule. Ouais. Et tout le monde rigole. Et même le gars, il fait oh, j'ai exagéré de te toucher. Genre, mais tout le monde se rafraîchit d'un coup. T'sais, ils sont super bourrés, ils font des cartons. Et dès qu'ils se font mouiller, ils font oh, non, je déconne. J'ai vraiment c'est bon enfant le coyote. C'est vraiment cool. Alors, elle va bosser. Je crois que dans le film, on la voit bosser 4 soirs, tu vois. À peu près 4 ou 5 soirs. Deuxième soir, c'est-à-dire que pour l'instant, les seuls trucs qu'elle a fait, c'est filer 10$ à un client pour se faire embaucher. Ouais, deuxième soir, t-shirt. Ouais, et elle est méga pote avec tout le monde et avec la patronne, quoi. Tu vois, genre, non, mais je lui fais trop confiance à cette petite. Il y a une méga complicité qui s'installe, ce qui fait qu'à la fin de la deuxième soirée, elle est déjà en train de chanter derrière le bar avec la patronne. Ta, ta, ta. En vrai, c'est ton deuxième soir, tu commences pas à chanter devant la patronne. Tu fermes ta gueule, tu nettoies les verres, tu te les racontes pas, quoi. Et elle est trop stressée parce qu'il manque 100 balles dans la caisse. Elle est déjà en méga confiance, c'est assez bizarre quoi. Alors, il va y avoir un mini-bail, je l'explique très rapidement parce qu'il faut qu'on avance. En gros, elle va faire une énorme connerie à cause d'une serveuse et elle va devoir 250$ à la patronne. Attends, parce que ça pourquoi, paraît, ouais. Oui, de... mais ce que t'as pas dit aussi, c'est que déjà, elle était allée récupérer sa cassette audio auprès du mec qui avait essayé de l'arnaquer, là, qui grillait les steaks. Donc moi, je me suis posé la question, ouais. Genre, est-ce que ça coûte vraiment très très cher à cette époque-là, les cassettes audio? Bah Ronan, t'as regardé le prix du cours de la cassette audio à l'époque? Ah, j'avoue, non, moi j'étais sur le CD, parce que y a une... après on passe au CD, ouais, c'est dans les cassettes, ça va dire, je suis désolé. C'était le mini-disque un peu à l'époque. Par contre, je peux aller vérifier tout de suite, vraiment, vous me laissez un quart d'heure, je fais un aller-retour. Je trouve une connexion, je vais trouver ça. Moi j'imagine le gars qui fait ouais, bah là ta cassette, tu sais, la réécoute, et dessus il y a Bill Collins. Ah, je l'ai peut-être effacé. Ouais, bah j'écoute d'autres trucs, qu'est-ce que tu veux. Mais du coup, je me suis dit où ça coûte super cher, ou elle veut pécho, quoi, clairement. Mais je pense qu'elle veut pécho d'ailleurs. C'est ça que t'as envie de nous dire, qu'elle a la dalle. Tu ne commences pas. Non, arrête tout de suite. Et alors, du coup, malheureusement, elle va devoir $250 à la patronne. Mais c'est à cause du pompier, non? C'est ça, ouais. Ah, parce qu'en fait, elle va asperger l'eau. D'ailleurs, ils ont eu de la chance dans l'histoire parce qu'il y a un pompier en fait qui vient faire une inspection. C'est la veille, ils étaient en train de foutre le feu au bar quand même. Non, mais avec l'alcool, heureusement qu'il n'est pas passé la veille. Ah, mais il vient faire une inspection? Ouais, bah oui. Ah, ouais, d'accord. Parce que il a pas l'air trop stressé. Je comprenais pas, je me disais, bah c'est bon, le mec il est là, il sait bien qu'il va se prendre un seau d'eau, il va pas taper un scandale. Ah, bah non, c'est vrai, il faut que t'arrêtes de regarder en accéléré. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Et là, du coup, elle doit 250$, elle est dans la merde, du coup, elle va se faire virer. Et il y a O'Donnell, effectivement, son prince charmant, qui débarque dans le bar. Et elle va vendre aux enchères O'Donnell, c'est-à-dire qu'elle va il va monter sur le bar, elle va prendre le micro. Et là, c'est trop marrant, parce que c'est pareil, là, tu prends le micro, tout le monde s'arrête, tout le monde t'écoute, tout le monde écoute ton truc de merde. Et toujours, et à chaque fois, il n'y a pas une bière qui se vend pendant ce temps-là, quoi. Tu m'étonnes qu'il y ait du monde qui fait la queue. Ah, Greg, il est sur le chiffre. Greg, c'est le chiffre. Mais non, mais en vrai, t'as un endroit comme ça, il faut des potes, il faut envoyer, quoi. Il y a une foule de femmes de 45-50 ans qui n'ont rien à faire là. À partir de ce moment-là, plein de meufs dans parce qu'il n'a aucun sens. À partir de ce moment-là, j'ai écrit, il n'y a que des milfs à gogo, il n'y a plus aucun mec pour dire « Casse-toi !» Demi-portion. Non mais c'est ça, dans le bar de merde où on chante, il y a deux gars super bourrés qui la font chier pour qu'elle chante. Ouais. Par contre, quand il y a un Manos qui est vendu aux enchères au Coyote où il y a un bar de gogo, il y a aucun mec qui réagit. Bah, je pense que Greg sera de mon avis. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment. J'ai trouvé ça très fin. Ouais. Ouais, je me suis bien rincé l'œil. C'était cool parce qu'il est vraiment pas dégueu. O'Donnell l'Australien là. Ouais. Putain, moi il m'a agacé de moche. Moi je l'ai trouvé trop beau. En plus il adore ouais, les comic books. Il adore le Punisher. Moi c'est voilà. Ah oui, il tiens, ça, on peut faire un point là-dessus. C'est assez drôle parce que ah ouais, toi ça te ferait craquer. Mais moi j'aime bien les Kevin, j'ai l'impression là. Ouais ouais. Il y a un moment quand même où il est super cool où il fait un check au mec qui vend des kebabs. Et là moi je dis. Ouais. Super. Ah oui, attendez. Moi c'est écrit là en énorme rencard 3h du matin avec Kevin. Premier rencard, il l'emmène au kebab. Oui, il veut mettre tous les points de son côté. Vas-y, je t'emmène au kebab. Pour le petit déjeuner. Je le connais. Pour le petit déjeuner. Le mec met toutes les chances de son côté. Il se fait livrer son Spider-Man au kebab devant la main. Disant, ouais, désolé, j'adore les bouquins de merde. En bouffant des kebabs. Et après ça, souvent des bouquins de merde. Après une putain de nuit blanche où tu dois avoir vraiment une sale gueule, ils vont aller dégorger des poissons morts. moi je prends Kevin. Non mais enfin c'est quand on a une passion comme ça comme collectionner les Spider-Man, en général on le cache pour un premier rencard quoi. Bah, par exemple, non mais Greg il collectionne les Panini Pokémon par exemple, il le dit pas à tout le monde. C'est faux. Non mais c'est surtout c'est vachement galère de te faire livrer ton truc au kebab. Tu vois quand même tu voudrais, tu sais. Mais ça c'est les États-Unis d'Amérique, Michael pourra t'en parler, tu peux te faire livrer tout partout. Ça c'est New York. Alors un truc, tu sais comment tu sais que c'est New York. Alors un truc tout con, je sais pas si c'est comme ça New York, tu pourras nous dire. Sur un même plan, on voit deux pigeons à la fenêtre et un chat. Et en voyant ça, j'ai fait tiens, ça m'étonne que personne ne réagisse. Parce que moi, tu mets un chat près des oiseaux, c'est fini, il saute par la fenêtre. T'as vraiment un talent d'observateur. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est la nuit du basculement. Alors là, depuis le début, tout se passe bien. C'est-à-dire que c'est vraiment une remarque aussi qu'on peut faire à ce film, c'est que tout roule sur des roulettes au début du film. Bon, franchement, globalement, tout va bien. Et là, c'est le début de la chute. C'est le début du moment où ça va mal se passer. Et là, c'est une nuit un peu costaud au Coyote, là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait Jacques Pradel. Non, c'est vraiment costaud. T'as pas une petite musique Et les 21h, nous sommes au Coyote. L'ambiance est à son comble. Deux flics rentrent vénères dans la salle. C'est un début de baston. Il y a un demi-viol des deux autres serveuses. Ouais, j'avoue. Ouais. Et alors là, ça commence vraiment à partir en déroute. On sent que là, le Coyote perd le contrôle. Et d'ailleurs, il y a un photographe qui prend des... Oui. Vous savez qui est ce photographe? J'aimerais qu'on revienne là-dessus, sur ce photographe de The Voice. Là. Ouais, il y a un photographe donc, qui en profite pour prendre des photos. Et il y a un videur qui lui fait Et c'est Michael Bay, ce photographe. Et ça... Ça c'est un caméo ça. Ah et putain, ouais. Ah mais j'ai pas fait gaffe et son appareil photo explose d'ailleurs, non? Bah non, c'est ça. Ça c'est la blague Michael Bay, il y a que j'ai compris. Mais alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Je m'en à l'un de vous là. Ronan, explique-nous ce qu'elle fait pour calmer tout ça, parce que là vraiment on est à deux doigts de l'émeute, les gens vont servir dans l'alcool, il y a de la baston à tout va, les serveuses sont prises à partie. Elle monte sur le bar. D'ailleurs, presque prise. À partir, mais. Oh, Antoine! Eh ben non, il faut le dire. Elle monte sur le bar, elle chope un micro et elle accompagne la bande-son en chantant pour faire un simili-concert qui capte l'attention de toute l'audience. Donc là, tout le monde est calmé, tout le monde est sur le cul, parce qu'elle a une voix extraordinaire. Ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais. le photographe photographie la scène parce qu'il se passe un truc de dingo. Et là, il se passait vraiment quelque chose à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Mais là, elle sauve la mise, c'est-à-dire que tout le monde se calme. Non, mais c'est, t'as même des mecs, t'as un plan où t'as un gars qui tient le col du t-shirt de l'autre et va lui mettre une droite et il tourne la tête et il est hypnotisé par ce concert. Vous avez vu leur visage? Je veux dire, waouh! Ils te désiraient tous, ma puce. Même les femmes. Toute la salle était survoltée. Je précise, ce n'était que pour une fois comme ça en passant. Bon, si vous êtes bien sage, je leur ferai de temps en temps. Attends. Elle a accompagné le jukebox. Y a pas de quoi la nommer aux victoires de la musique. Oh, vas-y, Rachel, elle a sauvé ton cul, admets-le. Non. Elle a pas sauvé mon cul, elle a sauvé celui des deux ivrognes que j'avais sous la main. Ouh! C'est peine perdue avec elle. Où est-ce que tu vas? J'en sais rien. Prendre l'air ou fêter ça? M'écrouler de fatigue? Mesdemoiselles, messieurs, je vous demanderai d'applaudir Jersey, notre coyote mélomane. Je suis une coyote? 5 nuits par semaine. Oh! Je suis une gogo danseuse alors dans ce bar de merde, 5 nuits par semaine. Je suis vraiment devenue gogo danseuse dans les bas-fonds du Bronx. C'est le plus beau jour de ma vie, je vais vraiment fêter ça. Mon rêve se réalise, je vais aller me taper un vendeur de poisson. Qui collectionne les Spider-Man. Est-ce que moi aussi je pourrais aller avec les filles en barésie le matin à 6h du mat dans un dîner tout pourrave? Tout débranlé, tu pourras le faire, ouais. Alors, il faut savoir qu'au terme de cette soirée où elle calme tout le monde, elle est embauchée à l'ONU pour résoudre les conflits armés dans le monde. Elle a envoyé avec son jukebox là-bas. Alors du coup, juste après, elle va aller faire de la guitare sur son toit toute seule. Elle va pas rouler des pelles à l'autre ? Non, si, elle passe. Elle passe pour faire un bisou. Pire scène du film, épouvantable cette scène. Elle compose un truc avec un mec qui fait du hip-hop à côté. Mais c'est épouvantable. Là, j'ai mis avance rapide, stop. J'ai été vomir. Avance rapide, stop. Parce que derrière, on se tape un montage où là, tout baigne. Comme tu dis, tout baigne. Là, elle apprend à faire tourner les bouteilles. Ouais, c'est vrai. Tout le monde avec son amoureux, ça passe très bien. Ouais, c'est ça, montage, achat de matériel, maîtrise du tournement de bouteille, bisous. Voilà. Parce que là, c'est le step up. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle joue de la guitare et elle est gênée par un mec qui fait du breakdance chez lui, dans un appart new-yorkais. Vraiment, le gars, il a un loft, mais hallucinant. Qui a pas du tout l'air d'être situé en face de son appart pourri, puisque c'est pas du tout le même type de quartier, tu vois. Et en fait, elle va accompagner la musique. Elle est dans une grange. Et derrière, elle va aller voir O'Donnell et ils vont faire la chose. Alors je sais que ça te... T'attends ça depuis un petit moment, là. Philippe. Et elle va se déshabiller à travers les mannequins de papier. J'ai dit que c'était la scène de striptease la plus ridicule de l'histoire du cinéma, je pense. Attends. Elle le fait bien parce qu'elle est plutôt sensuelle et tout. Hein. Tu vas me dire, en même temps, c'est une gogo, donc il manquerait plus que ça qu'elle soit pas sensuelle. Mais moi, j'ai réécrit ça, j'ai dit, mais attends, mais une meuf qui fait ça, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es dingo, on n'est pas dans un film. On n'est pas dans Coyote Girls, quoi. C'est bon, calmos. Et là, en fait, c'est le... Voilà, effectivement, il y a le moment où elle va acheter du matos parce que tu sens qu'elle commence à avoir de la thune, au Coyote, ça se passe bien. Placement Mac à ce moment-là. Ouais. Bon, bah, c'est le vieux MacBook, hein, c'est l'iMac. Ah oui. Un vieil iMac. Là. Et là, c'est vraiment le moment. Pardon, qui est à 1950 euros, si je me souviens. dollars, si je me souviens du prix. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite soirée au Coyote, celle de trop, sans doute. C'est une soirée spéciale. Ouais, puisque... Ça fait quand même 4 nuits qu'elle bosse. Hein, donc... ça fait quand même 4 jours qu'elle est là, donc effectivement, là, le temps passe. La serveuse, bah, elle crache du feu. Enfin, tu vois, elle fait du monocycle aussi, en jonglant. Enfin, normal. Ouais. Non, mais à la fin du film, je me dis, mais un jeudi, quoi. Ils vont jongler avec des tigres et tout. À chaque fois, c'est la surenchère. On sentait dans les cerceaux. Et cette soirée, c'est une soirée à thème, puisque il suffit. Enfin, c'est la soirée où où ils vont déverser, je pense, de quoi nourrir, enfin, de quoi subvenir en besoin d'eau à la moitié de l'Afrique sur 10 ans. Ils vont verser des milliards de carafes d'eau. Sur elle-même, ouais. Sur le comptoir, tout en dansant sur le comptoir, évidemment, ça glisse. T-shirt pas. Mouillé, quoi. Ouais, t-shirt mouillé, mais alors vraiment mouillé. En plus, ils éclaboussent le public et tout. Et malheureusement, il va y avoir un invité qui n'est pas vraiment le bienvenu. Devinez un peu qui vient nous rendre visite. Zoé ! Non ! Ce soir, je fais Elle est sur le comptoir. Sur quoi? Sur le comptoir. Et c'était la voix de qui? De papa. Ouais. Et ouais, parce que papa il va aux coyotes aussi, hein. Et en voyant sa fille, il se dit qu'il aura peut-être des réducs. Oh la vache. Oula. Non, c'est trop triste. Ça va, on y a tous pensé, hein. C'est trop triste. Non, effectivement, c'est un peu le, c'est un peu le malaise. Finalement, tu trouves ça triste. Pourquoi? Bah, c'est parce que c'est la tristesse que son papa, il n'ait pas été mis au courant avant et qu'il découvre ça comme ça. Alors non, faut dire comment il découvre ça. Il découvre ça dans le journal, parce que le journal qu'il achète, il y a une demi-page avec la photo d'une serveuse d'un bar qui intervient quand il y a une baston dans le bar. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai souvent acheté le journal, Le Monde, Libé. Jamais vu ça. J'ai jamais vu une demi-page. Ah bah si, Le Monde, là, l'autre jour, dans un PMU. Elle arrête une baston en chantant. Dans Le Monde Week-end, oui, d'accord, mais pas dans Le Monde de la semaine. Elle chante Céline Dion et arrête une bagarre. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle a fait. Ivre, elle chante Céline Dion et arrête une bagarre. Et alors, non, mais le plus fou, c'est déjà il y a une demi-page sur elle dans un quotidien, mais surtout tous les collègues de son père affichent une photo d'une nana qu'on voit à 30 km qui est toute petite sur la photo. Ils affichent tout ça dans leur local. Non, dans leur camion. Oui, dans leur camion, c'est encore plus sordide. Ils sont plus au calendrier de Meuf à poil. Ils affichent une photo. La fille d'un pote. Ça, c'est d'un goût, vraiment. En noir et blanc, tout pourri. Bon, en tout cas, papa est pas très content. Non. Et du coup, il voit sa fille qui est toute mouillée sur le bar avec ses copines qui sont habillées en barésie. Et du coup, il décide de se barrer. Et du coup, il se tire un peu la gueule tous les deux, quoi. Bah oui. Mais elle va essayer de rattraper le coup en lui disant: papa, écoute, j'ai pas à m'excuser, j'ai fait ça, machin, mais moi, ce que je veux, c'est chanter et tout. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'elle a bon fond. Et du coup, ça justifie quand même qu'elle fasse la gogo dans le bar fond de New York. C'est pas la mauvaise fille. Non, non, non. Ouais. Alors, pardon, t'as loqué, Et le vrai problème, c'est que elle est en train de s'embourber, quoi. C'est que elle fait plus que ça, et le soir où elle est censée aller chanter, ben elle y va pas, quoi. Ouais, mais parce qu'elle a toujours son problème de trac aussi. Alors, t'as toujours ce problème d'accent. Non, non. Parce qu'en fait, elle devait. Il a troqué son putain de comic book collector pour c'est la laisser chanter, quoi. Elle perd sa chance parce qu'elle veut rester au Coyote. Du coup, lui, il perd son Spider-Man. Bah ouais, mais... Et du coup, il va venir se battre au Coyote. Bah ouais. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un mec classe quand même. Autant quand papa arrive au Coyote. Greg, il a revendu un écusson Panini aussi pour une nana. Un Pikachu brillant. Un premium, attends. Autant neuf d'attaque il avait. Oh, c'est bon. Autant papa, quand il arrive au Coyote, il se tait, il est juste un peu dégoûté. Autant quand son copain il arrive au Coyote, lui il est bien vénère, quoi. Il a envie de taper tout le monde parce que normal, évidemment. Mais tout le monde qu'il y a un mec qui est en train de la ploter, d'agripper sa meuf. Et ça, on lui avait dit pas de copains aux Coyotes. C'est une des premières règles qu'on lui a données. Bah oui, parce que ça peut créer des jalousies, évidemment, quand des clients inconnus sont en train de peloter ta copine. C'est vrai que ça peut créer des problèmes. Mais bon, c'est un peu le deal. Résultat des courses. Elle a plus de mecs. Elle a plus de Coyotes. Plus de Coyotes. Elle a pas chanté. Elle a pas plus de père, mais bon, c'est tout comme il veut plus l'avoir. Mais attends, ça va pas tarder. Elle se frite avec la patronne. Elle a plus de mère, parce que. Ça, c'est le destin. Ouais. Elle méga fritage avec la patronne, parce qu'elle lui fait: mais attends, on était amis. Mais attends, mais ma petite, tu croyais quoi qu'on était amis? Enfin, genre, ça, c'est le truc classique. Et à ce moment-là, elle est vraiment dans le down, down, down. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, tu sais, elle rentre chez elle, puis elle sombre dans l'héroïne, et c'est fini. En vrai, l'histoire finit vraiment comme ça, logiquement. Non, mais grave, mais bien sûr. Moi, je suis là, elle rate le concert que Kevin lui avait trouvé, il débarque au bar, se vénère, il lui raconte qu'il est orphelin, elle se fait virer, chanson triste sur le toit. Voilà. Ouais. Ah oui, il y a une petite chanson triste. Ah oui, c'est vrai qu'il lui dit qu'il a pas de famille, c'est trop. Mais ça m'a vraiment fait craquer. Hein. Ça m'a vraiment. Mais je t'imagine à 13 ans en train de vraiment craquer, quoi. Ouais, bah je pense que je t'imagine moi aussi, Greg, à 13 ans en train de vraiment craquer. Ouais. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Je comprends pas. Vous voulez faire un podcast là-dessus? Ouais. Podcast Prince Charmant, c'est un nouveau concept. Alors, c'est le chapitre suivant, le chapitre que j'ai nommé Descente encore. Puisque du coup, sa pote va se marier, son père lui fait bien la gueule, il fait bien chier, et au moment où elle rentre chez elle. Il lui dit qu'il a honte d'elle, quoi. Vraiment. Bah ouais, en même temps, elle est gogo, tu sais. Elle devait aller à New York pour chanter. Elle est gogo, elle fout rien. Et en plus, elle est même pas foutue de garder son boulot de gogo. Putain, accident de voiture, non mais ça c'est horrible ça. Alors ça sort de nulle part, puis ça n'a aucun intérêt, parce que ça n'a même pas d'impact sur l'histoire, quoi. Puisque tu sais, moi au moment de la pêche, c'est pour te faire prendre la valeur qu'il faut pas être fâché avec les gens que t'aimes. Parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Ouais. Oui, t'as raison, viens dans mes bras, Julie. Là-dessus, moi il y a un petit point, c'est qu'en fait effectivement il y a un accident, ils se retrouvent à l'hôpital. Là, le mec lui dit, votre papa, il a une jambe pétée, plusieurs hémorragies internes. Plusieurs hémorroïdes. Hémorragies internes. Il est en salle de réveil, mais il va s'en sortir avec quelques égratignures. Non, non, j'ai pas fait métis, mais hémorragie interne et jambes pétées, c'est pas quelques égratignures. Non, mais moi, ce qui m'a surtout fait halluciner, c'est que. Surtout quand t'as le gabarit de John Goodman. Hein, généralement, jambes pétées, c'est presque fini. Non, mais c'est surtout que. Genre, donc, il a un accident de voiture, mais genre, trois scènes plus tard, ils vont faire les déglingos en voiture, quoi. Enfin, tu te dis, mec, tu sors de l'hôpital et en fait, tu vas refaire exactement la même chose. Ça, à la limite, c'est ça l'estate. Je pense que Michael pourra te le dire. Ouais, les gens font demi-tour sur des voies ascensionnées. C'est toi qui es à New York. Ça, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et comme tu sais. Et du coup. En fait, je faut avouer quelque chose, j'étais à Laval en fait. Je fais croire que j'étais à New York. J'ai passé une semaine à Laval. Elle va surprendre O'Donnell avec une autre femme. On apprendra plus tard qu'en fait, il sous-loue son appartement. Oui. Ça, c'est, j'aimais vraiment, genre, quiproquo de la visite de l'appart le plus pourri de l'histoire du cinéma. Ouais. Ceci, ça n'empêche pas, tu peux soulever ton appartement et coucher. T'avais pas compris ? J'avais pas compris ça. Tu sais, il rentrait avec une meuf en fait. Ouais, tu vas voir chez moi, machin. Mais en fait, suffisait juste d'arriver deux secondes avant ou deux secondes après pour comprendre que c'était une sous-loque, quoi. Ouais. Mais non, elle arrive pile poil au moment du truc. Bon, ça, à la limite. Et de la même façon qu'à un moment, il lui passe un coup de fil pour lui proposer d'aller vendre du poisson et genre, elle décroche pas à temps parce qu'elle arrive pas à sortir ses clés et tout. Et moi, je me dis, mais en même temps, elle sait où ils en vendent là du poisson, où ils font les poissons. Seconde après, quoi, c'est tu vois. Complètement con. Ouais. Je vous trouve dur. D'ailleurs, quand elle l'aide à sortir du poisson, là, c'est quand même un petit peu étrange, parce qu'en termes d'assurance, ça marche comment ? Est-ce qu'elle est pas sous contrat pour faire ce boulot-là ? C'est du bénévolat, quand même. Je sais pas comment ça se passe à New York. C'est toi qui es à New York. C'est plutôt à toi qu'on devrait poser la question. Bah, je suis pas, j'ai pas fait de poissonnerie. J'ai pas fait de marché de poisson. Alors, c'était le down, down, down, down, et maintenant c'est le moment du up, up, up. Et on commence avec un montage, composition, home studio, gravage de CD, parce que là, c'est le même logiciel qui fait. Il fait tout, hein. Et piano, hop, le CD qui sort, c'est fini. et du coup, bah maintenant, avant, cassette. C'est fini les cassettes. Ça marche plus. Ça marche Par plus, contre, un CD gravé, mon pote. Bah ouais, parce qu'en on te rappelle direct. Mais derrière, elle a gagné du pognon en faisant la gogo là, quoi. Bah elle peut s'acheter des CD vierges, hein, bah c'est ouais. sûr. Il n'y a que les CD qui sont vierges dans cette affaire. Hein. Ouh là là, c'est drôle. Et alors, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que là, il y a montage réussi, tout d'un seul coup, tout lui sourit. Et en fait, il n'y a pas une maison de disques qui va l'appeler pour lui dire « Oui, on a bien aimé, passez, on va faire des essais avec votre voix ou quoi. » C'est le montage mis en danger total. C'est-à-dire qu'il y a une maison de disques qui l'appelle en disant « Écoutez, on a bien aimé votre maquette. L'idée, c'est que vous fassiez un concert devant 2000 personnes demain soir sans jamais répéter avec personne. Et sans jamais qu'on voit votre tronche. On sait jamais, vous pourriez être super moche et pas du tout vendeuse. Bon, » Il y aura un jury de 4 personnes avec des bleus, des rouges. Enfin, vous allez voir, c'est... Non mais c'est genre, tu sais, il y a même pas de répète, il y a pas de balance, il y a rien, tu sais. Donc vous, non, demain vous venez 30 secondes avant, tu sais. Elle va même pas voir le concert des gens d'avant, tu sais. Elle arrive pile poil pour elle, quoi. Bon, et ben ouais, ben elle arrive mais c'est pas si facile pour elle parce qu'elle veut pas y aller. Elle veut pas y aller. Son père finit par lui révéler qu'en fait sa mère a jamais eu le trac. C'est juste lui aussi qui voulait pas qu'elle reprenne la chanson, c'est ça, après qu'elle ait accouché ou un truc comme ça. Ah oui, c'est pas vraiment l'importance, je crois. Misunderstanding sur la raison pour laquelle sa mère a arrêté la chanson. Mais bon, ça change rien puisqu'elle arrive quand même sur scène, évidemment. Elle a le trac, la chanson commence, elle ne se met pas à chanter. O'Donnell. Là, on se dit aïe aïe aïe. Alors vraiment, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai flippé là. Mais moi, j'ai cru que le team allait s'arrêter. J'ai mis sur pause déjà, j'ai fait ouf. Bah, moi j'ai ouvert la fenêtre, j'ai pris une bouchée d'oxygène, j'étais mal, je me sentais oppressé. Mais t'étais pas dans l'avion, Michel. Bah, à ce moment-là, c'est hyper dangereux. Il y avait une petite fenêtre, un store. J'ai fait une projection, je la voyais vieille coyote, tu sais, toute ridée, tout, et qu'elle allait pas faire de chanson, elle allait finir coyote. Mais les vieilles coyotes, on en voit pas les vieilles coyotes. Si, elles sont dans le fond du bar. Elles dansent sur un autre comptoir. Elle, c'est du rouge. Il y a beaucoup. Il veut de l'eau, y a pas d'eau, bah, c'est avec des coups de cubi et tout, c'est avec du rosé. Et là, effectivement, elle va pas y arriver. Et là, O'Donnell, il va faire un truc très sympa. Il va éteindre les lumières du concert. Alors là, tu m'expliques aussi comment tu fais pour éteindre les lumières d'une salle comme ça sans te faire casser la gueule. Excusez-moi, j'éteins juste toutes les lumières sur la scène. Mais pardon, vas-y, pardon. C'est vous le gars, je peux prendre la console une seconde là pour les lumières ? Ouais, vas-y, man. Tu sais que le technicien son, tu sais qu'il y a des gens qui fait « Man, tu fais quoi ? J'ai fait tous mes réglages. » À deux secondes, c'est ma meuf. Hein. Il éteint et alors là, ça y est. C'est parti pour dance. Avec, dance. Alors, c'est la Zouka dance. Puisqu'à la fin, on est dans le coyote. Il y a tout le cast du film, tu sais, genre même le père il danse, ça y est, maintenant c'est cool d'être gogo, tu vois. Ouais, regardez, c'est ma fille, elle est gogo. Et c'est fin d'émission de Patrick Sébastien. En fait. C'est ça, il y a les confettis. Et là, il y a la blague du début, celle qui a fait ses études d'avocat qui danse sur le bar. Et là, je me suis fait la réflexion, bah ça a très bien marché ses études de droit. En tout cas, j'espère qu'elle n'exerce pas avec ses rajouts et ses couleurs blancs, à moitié blanc. Et sa couleur. On l'a pas dit, mais la blague, c'est Tyra Banks en fait, hein, qui fait ce rôle-là. Elle est jeune dans quoi d'autre, Tyra Banks? Elle a joué, alors elle a fait beaucoup de télé-réalité en fait, elle a fait beaucoup de. Elle a été jury pour des merdes. Ah oui, ça y est, ça. Je vois. Ouais. Des trucs de mannequin là. C'est un mannequin en fait à la base qui. Voilà. Elle ouais, joue bien en plus. Tout le monde s'en branle. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce film? Quelque chose d'autre? Non. Alors moi j'ai un truc super important. En fait, je me suis rendu compte en terminant le film que tout l'épisode Co-ed Girls, il n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est une fille qui poursuit ses rêves, elle veut réussir à New York, elle va à New York. Au début, elle est refusée, mais elle s'accroche parce qu'elle en veut, elle en veut, etc. Elle s'accroche, elle achète des CD au lieu d'envoyer des cassettes, parce que les cassettes, c'est pourri, donc elle fait des CD, et là, ça marche. En fait, le truc Co-ed Girls, on peut complètement le virer, ça n'a aucun intérêt. Ça, elle change c'est pas. Juste qu'elle fasse non, mais CD, c'est vrai, quoi. Elle change pas, elle évolue pas en passant chez Co-ed Girls. Ouais, en plus, c'est même pas ça qui va lui donner l'assurance en elle pour chanter. Non, mais elle a déjà l'assurance au départ, parce que c'est justement, elle affirme son assurance pour avoir le poste, puisqu'elle envoie chier la patronne. Au début, elle est déjà forte au départ, et enfin du coup c'est juste un truc bidon où on dit ok, on va vous montrer des grandesses qui dansent en string sur un trottoir. J'avoue, c'est pas mal. Je vous invite, après avoir vu le film, à revoir la bande-annonce. La bande-annonce, elle est vraiment totalement axée coyote. Il y a genre la carrière de chanteuse, c'est mais du coup, ouais, c'est quoi le public en fait, de parce que on le disait au début, une ado qui voit ça, elle va se sentir je sais pas, concerné par le truc, sauf qu'en vrai tout le marketing est fait pour un film pour mecs. Vous allez voir des gonzesses, ouais, super bonnes. Mais j'en ai parlé autour de moi parce que je l'ai vu pour la première fois. Mais avec fierté, t'en as parlé. Oui, t'as, oui. T'as dit comment ça, j'ai vu Coyote Girl, c'est dans les temps. Là, j'étais un dîner avec des diplomates, tout le monde l'a vu. Hein. Coyote Girl, là-bas, on regarde, il est à côté des DVD. Non, mais j'ai des potes qui sont de ma génération et qui m'ont dit, mec, je l'ai vu 30 fois, elle est trop bonne. D'accord. Ouais. Bah, non, mais toi, tu grec, tu l'avais déjà vu? Non. Ah non, j'avais pas vu ça, je savais même pas que ça existait. Moi j'ai avoué, hein, je l'ai vu. Hein, donc, Non, mais je vous assure, je l'avais pas vu. Moi je l'avais vu, j'avoue. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul, tout le monde en a un. Alors je vais commencer par vous dire que j'étais à New York. Mais non. Vous le saviez pas. Ah ouais? Alors, j'ai 4 commentaires. J'ai 2 commentaires 5 étoiles et 2 commentaires 0 étoiles sur Coyote Girl. On commence avec Warlord 666. On l'a déjà eu, lui, je crois, parce qu'il dit quelque chose ce nom. Hein. Un nom aussi stylé, je peux pas l'oublier. Quoi. C'est très, très court, hein, très concis. Il dit « Elles sont canons, les filles, ça vaut un 5 étoiles. » Ensuite, on a un visiteur. Hein. Qui nous dit, il a pas donné son nom, lui, par contre. Mais je pense que ça aurait été sûrement un Warlord 666 bis. Eh bien, ce film est à voir d'urgence si vous ne l'avez pas encore vu. Il est tout simplement génial. Ce film est à voir pour les personnes en manque d'amour. Et pour ceux... et pour ceux qui aiment voir des jolies filles danser. Les acteurs sont top, l'histoire est pas mal et la BO super. Voilà. Rien de plus à dire sur ce film à voir avec un mouchoir. Pour ceux qui ont... à voir avec un mouchoir. Pour ceux qui ont un cœur sensible. Enfin, j'en connais certains qui l'ont vu avec un mouchoir, mais c'est pas pour pleurer. On a Gonard qui lui. Gonard. Ah, on lui dit rien quand il fait des blagues comme ça. Hein. Non, mais on n'est pas obligé de revenir à chaque fois dessus, quoi. Tu vois. Et en plus, c'est le fait de revenir dessus. Alors, on a Gonard avec un G, hein, je tiens à le préciser, qui nous laisse un petit message. Alors, lui, les deux derniers, c'est 0 étoiles, ils sont un peu ironiques, mais. Fait... Le teen movie parfait pour adolescentes prépubères en manque de rêve. Le scénario, Blanche-Neige, aussi naïve que bonne, débarque de son soi-disant patelin paumé. Car en fait, situé à seulement 60 bornes de New York. Mais bon, on a quand même droit à des adieux touchants qui laisseraient penser que la nana se casse au fin fond de la Chine occidentale. Bref, Blanche-Neige arrive comme la vilaine dans la vilaine ville. Toute crasseuse et terriblement cruelle, et tombe de suite sur une espèce d'Apollon qui va s'amouracher d'elle. Après ce modèle d'intrigue, on nous offre le classique modèle ascension d'échéance ascension, cher au film ricain. Ah bah voilà. Ce que disait Antoine. Avec bien sûr de grands moments d'émotion. Genre Blanche-Neige, qui va faire de la musique sur les toits en regardant les étoiles. C'est beau. Oh, j'en chialerais presque. C'est clair, si Dieu existait, il serait américain. Le pays du self-made man, ou plutôt du self-woman-made. Bon, franchement, c'est le genre de film qui fait bien rire le spectateur averti par ses invraisemblances et par sa prévisibilité. Moi, je dis non, non, non, zéro étoile. Et on finit avec Ruiz 9500 qui lui dit... Alors, c'est l'histoire d'une gentille... Elle vient d'Argenteuil. C'est le code postal d'Argenteuil. C'est vrai. Bon, on salue tous les habitants d'Argenteuil. Alors, c'est l'histoire d'une jeune, gentille et bonne meuf de la Cambrousse qui décide de partir à l'aventure pour devenir chanteuse et tout. Et qui travaille avec d'autres meufs dans un bar et tout. Et qui tombe amoureuse d'un mec, même que c'est un mec super gentil au fond, parce qu'il veut pas montrer ses sentiments et tout. Et puis le papa de la meuf, en fait, il est un peu relou, mais bon, c'est parce qu'en fait, il est gentil, tu vois, et tout. Mais bon, en fait, à la fin, la meuf, elle chante sur un toit parce que c'est une vraie artiste et tout, tu vois. Enfin, bref, franchement, le film, c'est trop de la bombe. Franchement, trop top, le film. Et puis, même que, en fait, la meuf qui chante à la fin, c'est une vraie chanteuse, en vérité. Bon, à la fin du film, le mec de la meuf, il devient junkie. Elle se prostitue pour lui payer ses doses. Et puis, de toute façon, on s'en branle puisque c'est chier la girl, c'est de la merde. Zéro étoile. Familian Rhymes. Je vais acheter la BO sur Minidisc là, je vois qu'ils la sortent à la fin. Ah, le Minidisc c'est le futur mec. Ah bah oui, oui. Et d'ailleurs tu vas acheter le film sur Laserdisc aussi, non? Ouais, exactement. Moi je l'ai pas trouvé en Super 8. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Coyote Girl. On remercie Ronan. C'était un plaisir, vraiment. Merci à toi. Quant à nous, est-ce que tu as pas un petit mot à dire sur un sondage éventuellement? Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire un sondage qu'on a mis en ligne sur le site de hdp.fr. Monte un peu le son, c'est vraiment mortel. Je vais chanter après. Vous allez sur 2hdp.fr et ensuite vous allez dans sondage en haut. Il y a un sondage et vous le faites. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ça va nous permettre de tout mettre en place pour un grand live un jour. Au stade de France. Au stade de France. Certainement. Alors, c'est pour savoir si on va chez ma tante ou au stade de France, puisqu'on aimerait bien savoir combien vous serez. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Chétan. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. It won't be too long till you're in my arms. Underneath the starlight, starlight, we'll be lost in the rhythm so right. Feel it steal your heart tonight. You can try to resist, try to hide from my kiss, but you know that you can make the moon. In the dark, you surrender your heart, but you know that you can't fight the moonlight now. You can fight it. Try to hide from my kiss, but you know that you can find the moonlight deep in the dark. You surrender your heart, but you know that you can find the moonlight. No, you can fight it. Descends de la table. Tu vas tout casser la console. Bah tu vas pas renverser les carafes sur toi là, ça me casse. Tu vas mouiller le sang dans Croco d'Antoine. Ah t'as des jartels, nickel. Un pernier tranche pour moi. Il boit de l'eau, crache du feu.